18 Uhr geht es hier schon weiter. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. De passage à Francfort lors d'un séminaire sur les révolutions en Afrique du Nord et aux pays arabes, l'écrivain algérien Boualem Sansal et l'activiste journaliste Sihem Ben Sedrine ont partagé avec le public, durant un séminaire de 12 jours, leur regard sur l'actualité algérienne et tunisienne et sur pas mal d'autres sujets d'actualité. Boualem Sansal abonde avec une analyse lucide et sincère et livre ses idées, impressions et doutes et parfois même contredit les assertions confiantes de Sihem Ben Sedrine qui, elle, en connaisseuse de la réalité tunisienne, a beaucoup d'espoir quant au futur de son pays, la Tunisie, dans le chemin de la construction démocratique. Sans tarder, nous écouterons l'intervention de Boualem Sansal et de Sihem Ben Sedrine. On s'habitue jamais à l'autoritarisme, Regina. On s'habitue jamais à l'humiliation, même si ça dure des décennies. Et si un jour la révolution tunisienne s'est imposée à tous les dictateurs et a inspiré les mouvements dans toute notre région et ailleurs, pas seulement dans la région, parce qu'il faut voir le mouvement des insoumis en Europe et aux États-Unis, eh bien, c'est parce que justement, il n'y avait pas eu de résignation à la soumission, que précisément et contrairement à un préjugé galvaudé dans certains milieux intellectuels européens, que les musulmans et les arabes sont configurés intellectuellement pour aimer les despotes, qu'ils n'ont pas la liberté, qu'ils adorent être asservis, eh bien, on leur a démontré que tout cela est faux, qu'on ne s'habitue jamais à l'esclavage, que ça prend plus ou moins de temps pour briser les chaînes et que souvent ce temps est plus ou moins long parce que l'élite, parfois, et cela s'est vérifié dans nos pays, au lieu de jouer son rôle d'éclaireur de l'ensemble du pays, elle se transforme en complice du despote et elle freine cet élan. Donc c'est juste pour dire une chose, Regina, c'est que s'il y a eu cette libération, c'est parce que les ingrédients intellectuels, les ingrédients, les ressorts humains pour faire, pour briser les chaînes étaient déjà là et que dès que le moment était mûr pour le faire, eh bien ce peuple l'a fait. Beaucoup d'ambition et d'espérance se dégagent des paroles de Sihem Ben Sedrine, mais écoutons un petit peu la contradiction que lui porte Boualem Sansal. C'est une petite contradiction à mon ami Sihem que j'admire beaucoup, parce que c'est Sihem Ben Sedrine. Mais s'il y a une chose à laquelle les peuples s'habituent rapidement, c'est l'esclavage et la dictature. Vraiment, parce que, d'abord, beaucoup les dictatures viennent avec une idéologie. Par exemple, dans les pays communistes, ils viennent avec une idéologie, c'est le communisme. Et les gens adhèrent, parce qu'il y a l'idéologie et le dictateur. Ils adhèrent à l'idéologie, comme en Iran ou dans beaucoup de pays, ils adhèrent. Globalement, pas tous, mais globalement, ils adhèrent à l'idéologie dominante. Et ils finissent par, parce qu'ils adhèrent à l'idéologie, ils acceptent le dictateur. Et entre le dictateur et la société, pendant un certain temps, il y a une sorte de négociation, des équilibres s'établissent. Le dictateur donne à manger au peuple et les honneurs et des choses comme ça, et la population accepte de perdre un certain nombre de libertés et un peu de sa dignité. Donc, ça, c'est un principe. Il y a certainement des scientifiques dans la salle, et dans le domaine de la mécanique, on le sait très bien, c'est qu'un corps qui est au repos, s'il ne reçoit pas une force pour le déplacer, il reste au repos. Donc, un peuple qui ne reçoit pas un choc qui le fait bouger, mais il accepte la situation. Les Russes, les Soviétiques ont accepté cette situation pendant 70 ans, les Chinois l'acceptent encore, les Cubains l'acceptent, leur pays détruit, est en train de tomber, mais ils acceptent ça encore, et dans les pays musulmans, ça peut durer encore des siècles. Voilà, donc il faut donc une force extérieure. Alors, dans le cas des révoltes arabes qui ont démarré à Tunis, il faut le répéter, ils n'ont pas démarré ailleurs, et très précisément, ils ont démarré à Bouazizi. Voilà, avec notre Mohamed Bouazizi, à Sidi Bouzid. C'est là, le coup est parti de là. Et maintenant, quelles sont les raisons qui ont poussé les Tunisiens à se révolter? On ne les connaît pas. Ce n'est pas la dictature qui a fait. Les gens s'habituent à la dictature. Ils finissent par déséquilibre, finissent par se trouver. Et alors, moi, il me semble que c'est peut-être la mondialisation qui a été un choc pour tout le monde. Parce que la révolte, il faut bien qu'elle démarre quelque part. Elle démarre à Sidi Bouzid. Elle est partie où? En Égypte. Elle est partie en Libye. Elle est partie à Madrid. Elle est partie à New York. Elle est partie. Donc, c'est un phénomène qui dépasse le monde arabe. C'est mon analyse. Il dépasse le monde arabe. Et je pense que c'est la dictature de la mondialisation, la dictature des marchés, qui a, depuis quelques années, ces 20, 30 dernières années, a tellement angoissé l'humanité qui est en train de détruire des structures sociales profondes. Et donc, qui sort les peuples de leur truc habituel, leur confort. Et chacun emprunte sa voie, parce que quand il reçoit cette force, chacun, en fonction de sa culture, de son contexte, réagit à sa manière. En Espagne, on a réagi de cette manière. C'est des jeunes qui sont sortis. Le prétexte, c'est le travail. Ils ne veulent plus être la génération des 700 euros, comme les Grecs refusent d'être la génération des 400 euros, parce que tout le monde touche 400 euros. En Algérie ou en Tunisie, c'est même pas le dictateur, c'est la corruption du régime. C'est de voir cette famille Ben Ali et Trabelsi se goinfrer, donc détourner toute la mondialisation à leur profit, prendre de l'argent, 1 milliard, 2 milliards, 100 milliards, 30, ils ne s'arrêtent pas. En Égypte, on découvre que ces gens-là n'avaient pas quelques millions de dollars. Ils avaient des milliards. Mais qu'est-ce qu'on fait avec 70 milliards? Quelqu'un comme le patron de Microsoft, qui a 70 milliards, il a donné 60 milliards de dollars de sa fortune, et il dit il reste encore l'homme le plus riche du monde. Qu'est-ce qu'on fait avec tant d'argent? Moi, je pense que s'il faut bien analyser les choses, je crois que les Tunisiens se sont révoltés contre ça. Voilà. Comme en Algérie. Alors, dans le cas de l'Algérie, c'est un peu particulier parce qu'il y a beaucoup d'argent. Donc, la corruption, les gens se goinfrent, avalent des milliards. Bouteflika, le jour où on va le chasser, on va découvrir qu'il a 500 milliards de dollars, trois fois ou quatre fois plus que Ben Ali, parce que l'Algérie est beaucoup plus riche que la Tunisie. Mais comme il est intelligent, il partage, il donne des miettes aux gens. Par exemple, il y a trois mois, les salaires des fonctionnaires ont été doublés d'un coup. Et la personne qui touchait 1000 euros est passée à 2000 euros. Voilà, donc on partage. Et moi, j'ai dit à mes compatriotes, j'ai rencontré des gens, des syndicats, des fonctionnaires, j'ai dit, on va faire une première. On va faire une grève pour refuser des augmentations de salaire. parce que ça, c'est de la corruption. Moi, je veux une augmentation de salaire qui correspond à mon travail. Je touche 1000 euros, je réclame 10 euros de plus. Parce que voilà, mais je touche 1000 euros et j'ai rien demandé, on me donne 1000 euros, je refuse. Bon, alors les gens ne le font pas. Mais je crois que, à mon avis, je crois que le problème est là. Et comme dans les maladies, ça sort par quelque part. Le mal intérieur qui est profond, le cancer que nous avons tous, vous l'avez, vous aussi. En France aussi, il y a une situation de désarroi, de refus. C'est un pays qui est en train de s'effondrer comme ça. Et les gens souffrent, mais ils ne savent pas comment réagir. Ils ne savent pas qui il faut accuser. Moi, je leur conseille d'accuser Sarkozy, pour commencer, et de le faire partir. Déjà, ce serait un mieux. Eh ben, nous, en Tunisie, c'était Ben Ali. En Égypte, c'était... en Algérie, on ne s'attaque pas à Bouteflika parce qu'il distribue de l'argent, parce qu'il corrompt tout le monde. Et nous acceptons la corruption. Et Siham, avec beaucoup de courtoisie, lui répond. D'abord, permets-moi, Boualem, de dire aussi mon admiration pour toi, parce que tu es, indépendamment de ce qu'on peut partager ou pas dans tes écrits, tu es un symbole de l'ensemble de la région, et nous sommes très très fiers de toi en Tunisie, sache-le. Donc, moi, je trouve que c'est très important de démonter la mécanique de la dictature pour qu'elle ne puisse pas se rééditer. Et actuellement, en Tunisie, nous sommes en train de travailler sur justement comment démanteler cette mécanique. Parce qu'il faut savoir une chose, qu'on a fait la révolution, mais ce n'est pas au lendemain de la révolution que la démocratie s'installe. Qu'il faut traverser un chemin très très long, très très difficile, qui s'appelle la période transitoire, où les deux régimes coexistent. C'est-à-dire l'ancien régime dictatorial, il est là, il est puissant, il est partout. Dans les administrations, dans les ministères, partout, partout, dans l'économie. Et vous avez à côté un petit régime naissant. Cette période se caractérise par la coexistence et la cohabitation des deux régimes, et ce qui rend la visibilité de ce qui se passe très, très difficile parfois. Mais ce que je voulais faire, c'est surtout revenir. Boualem a évoqué ces mécaniques, ces ressorts de la soumission à la dictature. Moi, je pense que quel que soit le dictateur, qu'il soit idéologiquement motivé par des leviers individuels, ou quel que soit le procédé de légitimation de la dictature, une dictature, ça consiste à imposer la règle d'une minorité, d'une extrême minorité, à une majorité. Une dictature, ça consiste à établir une logique de tutelle. Moi, je suis celui qui sait ce qui est bien pour vous. Et au nom de votre bien, je vais édicter des règles, même si elles ne vous plaisent pas, c'est pour votre bien. C'est ça aussi des logiques, si vous voulez. Mais comment ça tient? Comment on arrive à l'établir? Ce n'est pas par un procédé de négociation, c'est par un procédé d'imposition. C'est-à-dire qu'on va faire peur aux gens. On va les soumettre par leur peur. Et la peur, c'est le levier le plus important de l'établissement d'une dictature. C'est pas parce que les gens sont contents du dictateur qu'ils acceptent sa règle. C'est parce qu'elle s'est imposée à eux par la force, par la violence, par la mort parfois, par l'assassinat, par la privation de ressources, par la torture, par l'atteinte à tout ce qui vous entoure, la famille, les proches, les enfants. On attaque tout, jusqu'à vous soumettre. Et le jour où vous arrêtez de vous battre, eh bien c'est ce jour-là où la règle du dictateur s'est établie sur votre territoire. Et le mécanisme le plus important des dictatures qui durent, c'est que cette peur, elle n'a pas simplement des gardiens externes, c'est-à-dire les soldats, la police, tous ceux qui font peur quoi, dans le système. Mais elle installe des policiers dans votre tête. C'est-à-dire que vous-même, vous allez à un moment intérioriser la mécanique de soumission et être votre propre policier. Celui qui va freiner votre élan et prévenir l'acte répressif, l'acte qui fait mal. Et le jour où ce lien de peur entre le dictateur et ses sujets est rompu, eh bien, le dictateur est nu. Il n'a plus aucun pouvoir sur vous. Et c'est ce qui s'est passé en Tunisie. À un moment donné, ces liens qui étaient des cordes solides se sont tellement tendus qu'elles se sont cassées. Et le jour où elles se sont cassées, il y avait une avalanche de révolte qui va écraser le dictateur. Et c'est ce qui s'est passé. Et juste pour identifier la spécificité, parce que Boualem a beaucoup parlé du contexte mondial qui est certain. Je partage qu'il y a certainement un contexte de globalisation qui fait que l'information circule à l'échelle planétaire. Et le rôle de l'information a été décisif dans la révolte tunisienne, en tout cas. Mais avant d'arriver à l'information que tout le monde connaît, Facebook, Internet, les réseaux sociaux, tout ça, qui ont joué un rôle déterminant, Al Jazeera, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement ? En Tunisie, en 2008, il y a eu une première révolte. La première révolte qui a duré une année entière, une rébellion dans le sud-est du pays, du sud-ouest, pardon, à Gafsa, le bassin minier. Et cette révolte, elle a fini par être écrasée dans le sang. Et elle n'a pas fait tache d'huile, elle ne s'est pas démultipliée dans le pays. Parce que les ressources de démultiplication étaient absentes. Les ingrédients étaient absents. Mais je peux revenir en détail sur ça. L'important dans ce qui s'est passé en décembre 2010, et nous, en tant que radio, et ça c'est important de dire que une petite radio parfois peut être un lieu de mesure du tempo d'une société. Nous avions fait justement des reportages dans toute cette zone de l'Ouest qu'on appelle nous l'autre république, la république des oubliés, qui coupe en deux la Tunisie, donc l'Ouest, donc le Nord-Ouest, le Centre-Ouest et le Sud-Ouest, toute la région où les révoltes se sont passées, et puis bien sûr l'Est prospère, où se concentrent les richesses, etc. Donc dans toute cette zone, nos reporters ont fait des reportages sociaux, ils n'ont pas fait de la politique, ils ont fait du social. Et ils ont tendu leur micro à ces gens qui parfois étaient dans des zones complètement abandonnées, où parfois les routes n'arrivent même pas, où il faut faire de la marche à pied sur les sentiers pour arriver à joindre ces gens-là. Et si vous écoutez ces reportages, si vous écoutez cette parole de gens qui n'est ni politiquement construite ni intégrée à un quelconque réseau mondial, eh bien vous allez voir tous les ingrédients de la révolte. Ces gens-là parlaient du dictateur avec une telle impertinence, avec un tel irrespect, que moi-même, en écoutant ça, on dit comment ils osent ? Comment se fait-il qu'ils n'aient pas peur ? Et justement, ils n'avaient plus peur déjà à ce moment-là. Et ça date d'un an avant la révolte. Et on voyait que c'est comme un fleuve. La crue, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis à un moment, hop, les barrages sont brisés et la digue est brisée. Et ça se déverse sur l'ensemble du pays. Et c'est ce qui s'était passé. Et donc, il faut savoir une chose, c'est que parce que ce dictateur n'a pas su intégrer le côté négociation, qu'il n'a pas su s'arrêter là où il menaçait son propre régime, qu'il est allé trop loin dans la provocation, qu'il est allé trop loin dans l'humiliation. Et il a lui-même été à l'origine de cette rupture des digues qui faisait qu'il tenait sous sa coupe l'ensemble du pays. Un autre élément, et je m'arrêterai, Guilain. En Tunisie, nous avons toujours pensé que les démocraties européennes et occidentales en général, donc les Américains, les Canadiens, les Européens, ils étaient tous des soutiens à nos dictateurs. Et ils l'étaient, quelque part. Ils l'étaient. Et puis, il y a eu les révélations de Wikileaks. Que nous révèle Wikileaks ? Que les États-Unis ne soutiennent plus Ben Ali. C'était une information très très importante. Elle a circulé partout. Et quelques mois avant la révolte, il y a eu des attaques sur les sites du gouvernement, sur les sites du centre, du cœur de la censure tunisienne latine, sur les sites clés qui font que, si vous voulez, l'autorité de l'État a été brisée par ces jeunes Tunisiens qui ont tout simplement osé attaquer, persuadés que le grand chef de l'impérialisme mondial, entre guillemets, l'Amérique, ne soutenait plus ce dictateur. Et cela a libéré la peur, alors non pas des gens qui étaient à l'intérieur, mais des citadins. Parce que la révolution a eu lieu le jour où cette révolte de cette zone de l'Ouest a rejoint, ou plutôt l'Est, riche et prospère, a rejoint l'Ouest marginalisé. Et c'est cette fusion qui a fait que un jour, on ne voulait plus de ce dictateur. Donc aussi, les éléments externes, et je partage ce point de vue avec vous, Boualem, ils ont joué un rôle important. Ils ont joué un rôle de savoir qu'on ne se bat pas contre l'ensemble des régimes qui ont la puissance mondiale, mais qu'on se bat contre juste le dictateur. Là, on se sentait capable de le faire. Sinsal parlera après des mouvements nationaux en Afrique du Nord. Il faut remonter, je pense, à la naissance des mouvements nationalistes de nos pays. Ils sont partis dès le départ, et ça c'est l'histoire de la colonisation, l'histoire de ce monde arabe, ils sont partis dans trois directions. Il y a, pour se simplifier, il y a une partie de ces peuples qui s'est inscrit dans un imaginaire du le panarabisme. C'est la construction de la nation arabe. Et alors là, bon, ça remonte à Cordoue. Il y a toute une mystique derrière, il y a une histoire glorieuse. Et c'est une nahda de civilisation, voilà, la renaissance de la nation arabe, la culture arabe, etc., dominante, qui fut un temps dominante. Et il s'est créé tout un courant d'intellectuels, ça a créé les médersas, les trucs, les machins, quelque chose de très organisé. La deuxième composante du mouvement nationaliste, c'est inscrite dans le pan-islamisme. C'est des gens religieux, c'est les oulémas en particulier, qui eux, la notion de nation n'a pas de sens, la notion de république n'a pas de sens, c'est même impie. Ce qui compte, c'est la umma islamique, c'est la seule identité qu'un être humain peut avoir sur Terre. Il est musulman. Et donc, il est le représentant de Dieu sur Terre. Il a une mission divine. Et là aussi, c'est très organisé. Ça a commencé en Afghanistan, la Narda, Al-Jamaluddin Al-Afghani, et puis qui a généré donc, tout un processus avec Hassan al-Banna et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et ça a abouti, évidemment, à des mouvements islamistes plus radicaux, tout ça, parce que, bon, l'histoire a été un peu contraignante pour eux. Et le troisième courant, c'est, on va dire, pan-Occident. C'est des gens qui s'inscrivent dans l'idée des Lumières. Ça vient de la colonisation. C'est des gens donc, qui ont fréquenté l'école française, allemande, anglaise, et qui adhèrent à l'universalisme. Les Lumières, dès le départ, se sont postulées comme étant des valeurs universelles. La notion de justice, la notion de droit, la notion d'égalité, ça paraît évident, ça ne peut être que des notions. Alors, on avait donc quelque chose de racial, panarabisme, quelque chose de religieux, le panislamisme, et quelque chose qui nous sommes d'ailleurs aujourd'hui réunis ici en rapport avec cela, c'est les droits de l'homme, les lumières, et quelque chose qui dépasse les religions, qui dépasse les races, c'est l'universel, les valeurs universelles, les droits de l'homme, la déclaration universelle des droits de l'homme et tout ça. Et quand le mouvement nationaliste a atteint une certaine maturité, donc c'est passé donc à la phase active, donc se débarrasser du colonialisme pour réaliser... Et là, ces pays-là ont été l'enjeu au centre de bras de fer entre Moscou, qui évidemment guignait et voulait piloter tous ces mouvements indépendantistes dans le monde arabe, en Afrique, en Amérique du Sud, tout ça pour évidemment l'Empire soviétique. Les Américains, évidemment aussi, et les Européens, qui jouaient plutôt la carte des lumières, de la démocratie, des droits de l'homme. Et donc, première étape, c'est la démarche soviétique qu'il a emportée. Voilà. C'est l'influence soviétique qu'il a emportée. Donc effectivement, les indépendances arrivent. Tous ces pays sont socialistes, presque laïques, donc avec monopole de l'État, capitalisme d'État, socialisme. Donc c'est parti dans cette voie-là. Qui garantit la chose? Ben, c'est les militaires. Donc il fallait bien, puisque nous n'étions, enfin les soviétiques et ceux qui, nos dirigeants qui les écoutaient, pensaient qu'il n'y avait pas un parti, comme le Parti communiste, suffisamment puissant pour encadrer une révolution socialiste dans ces pays-là. Donc il faut un agent d'autorité. Eh ben, c'est les armées, parce que elles sont organisées, c'est, comme vous le disiez, il est plus facile de traiter avec 4 ou 5 personnes qu'avec des milliers et des milliers de personnes. Il suffit d'avoir 2 ou 3 généraux dans la poche et on construit avec eux. Les Américains ont adopté une autre démarche, c'est de jouer, parce que c'est un peu aussi leur culture, les évangélistes et tout ça. J'y crois que jouer la religion pour éloigner les États arabes de Moscou uniquement pour déstabiliser, c'est-à-dire les Américains n'ont pas joué la religion parce qu'ils étaient plutôt pour la religion. Mais oui, non, bien sûr. Oui. Mais en même temps, ils ont une compréhension aussi parce que. Les Américains n'ont pas évolué comme les Européens, qui à un moment donné ont décidé que la religion n'avait pas le droit de citer. Que les Américains sont encore là-dedans, ils ne comprennent pas qu'on veuille écarter la religion du processus de gestion de la cité. Ça fait partie, le presbytère, enfin l'église, le machin fait partie de la société, donc ça participe de la gestion de la cité. Et puis, et donc il y a eu toutes ces contradictions. Et les rapports de force au cours de l'histoire ont changé. Les indépendances, donc c'était cette démarche-là. L'échec de Moscou a abouti à l'échec du socialisme dans le pays, donc révolution. Donc ça a été une étape où les peuples sont sortis dans la rue, disaient « mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les nationalisations, les trucs, ça ne marche pas, le parti unique, il faut aller vers autre chose. » Et c'est là que les deux autres paramètres sont entrés en ligne de compte. Certains disaient très bien, allons vers l'économie de marché, la démocratie, les droits de l'homme, parce que ça va faire fonctionner l'économie, ça amène la paix, c'est ça, la paix, l'économie, etc. Puis d'autres disaient, l'autre mouvement disait non, il faut revenir au projet religieux et c'est leur tour. Alors les premiers ont été éliminés, l'histoire les a éliminés, Moscou, tout est tombé, y compris la Chine, qui a changé. Les droits de l'homme, alors les droits de l'homme, ça a été un échec fabuleux, parce que ça demande des siècles, et qu'il y a une précipitation dans le pays. On ne peut pas attendre des siècles pour qu'enfin les droits de l'homme soient installés. Et donc ça a ouvert la grande voie aux islamistes, et on voit que de la Mauritanie jusqu'au Golfe, tout ça va vers l'islamisme, y compris dans le pays qui paraissait le plus loin de tout ça, la Tunisie, qui était le pays le plus moderne, le plus intimement. Parce que dans ce pays, c'est le seul pays où des progrès dans la condition de la femme ont été faits, et des progrès réels. Parce que la force de progrès dans une société, c'est les femmes. Si la femme avance, la société avance. Si la femme stagne, la société stagne. Et pourtant, malgré ça, les islamistes sont au pouvoir, et en Algérie, en Mauritanie, au Maroc, en Égypte, partout, ça avance. Et ça déborde d'ailleurs même le monde purement arabe. On a au Nigeria, on a au Burkina Faso, à droite, au Niger, au Mali, en Europe, une radicalisation autour de l'islamisme, avec sa prochaine perspective, c'est une sorte de fédération, d'agréger toutes ces forces-là. Voilà. Laissez-moi quand même faire une petite distinction entre ce qui peut relever de la liberté individuelle et ce qui peut relever des droits civiques. Sur le plan des droits civiques, c'est vrai que les femmes tunisiennes disposent d'un dispositif légal qui leur donne une égalité réelle au vu de la loi par rapport aux hommes. Et parmi ces droits, il y a eu des actes décisifs dans cette égalité en tant que citoyenne avec les hommes. Et depuis 1956, comme tu l'as si bien dit, Regina, c'est par exemple que la polygamie est interdite en Tunisie. Et celui qui veut être polygame, il va en prison. C'est sanctionné par la loi. Le divorce, il se fait devant un juge. Ce n'est pas un homme, comme dans la loi de la charia, qui divorce sa femme en disant « maintenant tu rentres chez toi ». Parce que ça s'appelle le taklir. Le taklir, c'est « je divorce pas ». On est répudié, on est envoyé chez son père ou de la maison de qui on veut, parce que le mari ne veut plus de vous. Et c'est un acte unilatéral. Cet acte unilatéral est complètement interdit par la loi tunisienne. Il existe encore en Égypte, par exemple, et dans d'autres pays arabes, et musulmans, notamment arabes. Mais je vais vous dire une chose. Ce dispositif légal en faveur des femmes, il n'est pas venu arbitrairement et superficiellement par an. Il a accompagné un mouvement moderniste qui existait dans la société. À titre d'exemple, au moment où la loi sur la polygamie, l'interdiction de la polygamie a été édictée, on recensait, et ça c'est des sociologues français qui ont fait un ouvrage là-dessus, on recensait seulement 4% de polygames en Tunisie. Ils n'étaient que 4%. Donc le modèle social faisait que c'était pas bien d'être polygame. On n'encourageait pas la polygamie. Et le modèle venait d'en haut, c'était les bés, donc les rois tunisiens. Et bien, les rois étaient étaient monogames. Et c'était pas bien d'avoir plusieurs femmes. Bon, ils avaient quelques maîtresses, bien entendu. Mais légalement, ils n'avaient pas le droit d'avoir une deuxième femme, sauf s'ils divorçaient de la première ou si elle mourait. Donc déjà, les modèles de la construction familiale en Tunisie étaient traditionnellement dans ce sens de la modernité, dans ce sens-là. Ils allaient dans ce sens-là. Et bien entendu, parmi les droits que nous avons acquis, c'est le fait que une fille, d'abord, n'a pas besoin de tuteur pour se marier, ce qui existe un peu dans les autres pays, y compris le Maroc jusqu'à ce jour, qui a beaucoup avancé dans sa moudawana, mais jusqu'à ce jour, elle a besoin d'un tuteur. Nous, on n'a aucun besoin de tuteur, il n'y a pas de tutelle dans l'acte de mariage. Non seulement il n'y a pas de tutelle, mais il est interdit de se marier quand on est mineur. Et quand on veut être mineur, quand on veut se marier et qu'on est mineur, eh bien on demande l'autorisation au juge, pas aux parents. C'est le juge qui accorde une exception, une dérogation au mariage. Et ça, c'est depuis très longtemps en Tunisie. Et ça, c'est important parce que, bien entendu, si c'était les parents qui jouaient ce rôle, il vient de soi qu'ils vont perpétuer les traditions patriarcales et que le choix de la fille ne comptait plus. Or, en Tunisie, depuis longtemps, le choix de la fille est très important. C'est elle qui décide de son mariage et elle décide de se marier en étant adulte. Elle ne se marie pas mineure parce que mineure, bien sûr, elle va demander l'autorisation des parents. Donc c'est quelques aspects des lois positives qui sont là encore, qui ne sont pas perdues. Et juste pour le souligner, c'était un débat très important pendant la campagne électorale où le parti Nahda, le parti islamiste, qui est un parti conservateur, il faut bien le souligner, s'est engagé à ne pas toucher au code de la famille tunisienne, au code du statut personnel. Et dit, on ne touchera pas à ça. Pourquoi ? Parce qu'il a senti, c'est pas parce qu'il n'a pas envie. Bien sûr, il aurait envie s'il avait la marge de manœuvre nécessaire. Mais il a senti une pression de la société tellement importante, y compris dans son électorat, qui a fait qu'il s'est trouvé obligé de s'engager pendant la campagne électorale, de respecter et de ne pas revenir sur ses acquis de l'égalité civique. Bien sûr, ces lois ne parlent ni du droit de porter le voile ou de ne pas le porter, ils ne parlent pas non plus de la place de la femme dans la société, ils ne parlent pas non plus de l'égalité des salaires, bien que les lois tunisiennes sont très égalitaires sur ce plan, il n'y a qu'une loi qui autorise qu'on paye les femmes moins que les hommes. Mais il y a des pratiques sociales. Il y a des pratiques comme chez vous, quand on fait l'échelle des salaires, enfin de la grille des salaires, on s'aperçoit que plus on monte, plus la femme se raréfie. Et c'est pareil chez nous. C'est un petit peu l'héritage du patriarcat que je dirais très méditerranéen. Le patriarcat est très fort en Méditerranée. Et moi, je vois, par exemple, beaucoup de similitudes avec des pratiques qui existent en Sicile ou en Grèce ou dans des pays qui ne sont pas ni arabes ni musulmans, mais qui, on voit des pratiques, par exemple, l'importance de la virginité dans ces endroits, elle est beaucoup plus forte que dans des pays musulmans comme l'Irak, par exemple. Donc, vous voyez que le patriarcat, il ne faut pas aussi le réduire à l'islam. Le patriarcat, c'est des pratiques qui existent dans le pourtour de la Méditerranée. Donc, pour revenir à ce conflit entre comment se fait-il que la liberté veut que l'on ne soit pas libre, c'est un peu ça, Regina Acta, la contradiction. Et moi, je pense que c'est ça, la liberté. La liberté, c'est aussi de laisser chaque individu décider de son sort. Même si le choix qu'il fait, à mes yeux, c'est un choix rétrograde. C'est un choix qui symbolise une forme d'esclavage dans la tête. C'est mon point de vue. Mais moi, la laïque, moi qui suis contre tout cela, je me suis longtemps battue pendant la dictature contre les lois qui interdisaient le voile. Parce qu'en Tunisie, le voile était interdit. Non seulement interdit, mais les filles qui portaient le voile, je ne parle pas du niqab, il n'existait pas du tout chez nous, le niqab. Mais le voile, le simple voile que vous voyez chez vous. Eh bien, les filles qui portaient le voile étaient attrapées dans la rue par des policiers, elles étaient battues, on leur arrachait le voile, on leur arrachait les cheveux, on les battait dans le commissariat de police et on les obligeait à signer de ne plus jamais porter le voile. Et moi, cette violence-là, je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas au nom de n'importe quel principe qu'on atteigne à la liberté individuelle. Et ça fait partie, Boualem, des valeurs de droit humain que chaque individu est libre de l'exercice de sa liberté sous quelque forme qu'elle se pratique. Maintenant, dans le cadre de cette liberté individuelle, il y a ce qu'on peut appeler l'organisation sociale des libertés publiques. Il y a aussi le rôle de la loi. Moi, je suis libre dans ma manière d'agir, de me vêtir, de faire ce que je veux, dans la limite où la loi autorise et dans la limite où je ne m'atteins pas à la liberté des autres. Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec les mouvements salafistes en Tunisie, c'est que ces mouvements salafistes osent prétendre de faire la loi aux autres. Par exemple, dans certains quartiers, et c'est des actes minoritaires. Jusque-là, je ne veux pas aussi qu'on aille dans les paniques, parce qu'il y a parfois des mouvements de panique dont il faut se méfier. Mais ils existent. Ils existent aujourd'hui en Tunisie, des groupes salafistes qui viennent surtout dans les zones suburbaines, dans les zones très pauvres, où le matin, quand les filles qui vont à l'usine, les travailleuses, celles qui ne portent pas le voile, elles sont nombreuses, qui ne portent pas le voile, eh bien, leur font barrage, tu ne vas pas au travail si tu ne portes pas le voile. Et ça, c'est des actes qui sont très graves, et nous les avons critiqués, pas simplement en direction de ces acteurs non étatiques qui veulent faire la loi, et qui est un phénomène nouveau en Tunisie, mais aussi de ceux qui gouvernent, qui les laissent faire. Et on les a pointé le laxisme du parti de Marmaki au gouvernement, en leur disant, vous êtes responsable parce que vous laissez faire, parce que dans ce cas précis, il faut que l'état de droit soit respecté. Et l'état de droit, ça signifie qu'aucun acteur non étatique n'a le droit d'imposer aux autres ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Et vous devez les sanctionner, vous devez appliquer la loi et empêcher qu'une quelconque violence viennent de la part de groupes non étatiques. Ça, c'est votre responsabilité. En même temps, bien sûr, que l'on peut combattre ces petits groupuscules, mais il y va de la responsabilité de ceux qui gouvernent, de faire appliquer la loi. Et la démocratie, c'est l'état de droit. C'est une même règle qui s'applique à tous. Et qu'il n'y ait pas de zone de non-droit, de zone où des petits groupuscules vont se permettre d'imposer aux autres ce qu'ils veulent bien leur imposer. Et les questions maintenant des événements 88 en Algérie, de ce que plusieurs observateurs qualifient de printemps algérien qui a précédé tous les autres printemps. Beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir ont été générés, mais surtout une désillusion qui a prévalu quelque temps après. Et ce, par l'émergence de l'islamisme qui a surpris tout le monde. Le printemps algérien s'est produit en octobre 88. Donc, voilà, le peuple algérien, en octobre 88, après un été très difficile, plein d'incertitudes et de colère, à la rentrée, les jeunes sont sortis dans la rue, ils ont tout détruit. L'islamisme, à cette date, était inexistant en Algérie. On ne savait même pas, moi personnellement, et je suis comme Sihem, pourtant je suis quelqu'un qui a une certaine éducation, une certaine formation, j'avais très peu entendu parler de l'islamisme. Très peu. Pour moi, c'est quelque chose de très lointain. L'Algérie entre en révolution et on a obtenu que le gouvernement cède sur beaucoup de choses. Donc on a obtenu une nouvelle constitution. On est donc passé d'un régime, on va dire comme ça pour simplifier, soviétique, parti unique et tout ça, à une nouvelle constitution, pluripartisme, économie de marché, etc. etc. Et tout d'un coup, on a vu dans la société quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On a vu sortir des barbus, des femmes en voile. Et on se disait, mais d'où viennent ces gens-là? On nous a appelés, vous savez comment? On nous a appelés les Afghans. Parce qu'ils ne correspondent pas du tout à la culture algérienne. Le musulman en Algérie n'a aucun signe distinctif. Aucun. Et là, ils étaient, vous voyez leur tenue, la barbe, le truc, le machin, et puis ils font la prière de certaines femmes, et les femmes, ils étaient sur enchère de vous, un voile sur l'autre, un voile sur l'autre. Et bon, ben, on a demandé la démocratie, le pouvoir nous a dit, vous avez voulu la démocratie, et ben c'est ça, il faut accepter les islamistes, eux aussi ont le droit d'exister comme vous. Et un an après, élection municipale, donc dans les communes et les départements. Donc les islamistes se sont organisés en plusieurs partis, le Front islamique du salut, puis un Narda, puis enfin plusieurs partis. Et les démocrates se sont organisés en 150 partis, depuis les partis trotskistes jusqu'à partis d'extrême droite, genre Front National, tout. Vraiment. Et on part aux élections. Statistiques du ministère de l'Intérieur, ils disent bon, ça va, c'est pas de problème, les islamistes vont faire 12%. Et la présidence embauche un bureau d'études de sondage international, ils font des machins. Ah, disons, non, les islamistes vont faire au moins 20%. Bon. Et ça renvoie à la question des institutions, on en parlera tout à l'heure. Alors nous étions tous rassurés. Donc pour répondre à votre question, nous étions tous rassurés. J'ai dit, bon, très bien, l'islamisme dans notre société représente entre 10 et 20%. Bon, c'est ça, c'est la démocratie. On va aux élections. En Algérie, il y a 1400 communes. Ils ont gagné 1350 communes. Il y a 46 wilayas, c'est-à-dire des départements, des landers, comme chez nous. Ils ont gagné 44. Waouh ! Alors, dans les mois qui ont suivi, ces communes et ces régions ont été ruinées, clochardisées, une régression culturelle, économique extraordinaire. Ils ont tout bradé. Et parce qu'ils gèrent comme les talibans ont pu gérer l'Afghanistan au moment où ils étaient au pouvoir. Ils ont barré tous les sigles des communes 2, ils ont écrit Beladiya Islamia, commune islamique. Et ils géraient selon la norme islamique. Et puis, voilà, 3 ans après, nous sommes en 89, 2 ans après, donc ils avaient occupé tout le pays. Tout le pays. Et ils réclament des élections présidentielles. Tout de suite. Certains disaient, pas d'élections. Nous allons chasser le pouvoir et prendre le... Et puis l'armée, négociations, trafic, enfin bref. Le gouvernement accepte d'arriver à négocier avec eux en leur disant, faisons d'abord les élections législatives et l'année d'après, nous ferons des élections présidentielles. Élections législatives, rebelote. Dans le meilleur des cas, on leur donnait 25%. Après les 2 tours, au premier tour, ils avaient la majorité absolue. Panique, nous sommes, nous, Ils sont sortis dans la rue. Et alors, dans les jours qui ont suivi, 400 000 cadres, médecins, chercheurs, etc., ont quitté le pays. Sur la Tunisie, sur le Maroc, les hommes d'affaires, les trucs, sur le Canada, sur la France, sur... des professeurs de médecine sont partis en France pour devenir infirmiers. Le pays s'est vidé de sa société civile, de celle qui était porteuse des valeurs de... Et donc, ils ont gagné les élections. Pendant ces 15 jours, parce que les élections en Algérie, c'est à deux tours, les élections législatives, c'est à deux tours. Pendant ces deux tours, il y a eu un suspense unique au monde. Eux, ils étaient dans la rue, ils sortaient, on disait, ça y est, on a vaincu, nous allons tous les tuer, nous allons. Et nous, nous sommes sortis dans la rue. Alors, premier jour, nous, ils sont sortis dans la rue, ils étaient 1 million. Le lendemain, nous, nous sommes sortis dans la rue, nous étions 2 millions à Alger, à dire, il faut arrêter ça, on va aller vers la guerre. Le troisième jour, ils sortaient dans la rue, ils étaient 4 millions. Nous, on n'avait plus personne parce qu'ils avaient tous fui le pays. Donc l'armée est intervenue, elle a cassé le processus électoral, les guerres civiles jusqu'à maintenant, et ça continue beaucoup moins maintenant, mais ça continue. Donc ça pose la question des institutions. Est-ce que la démocratie, c'est une affaire de statistiques, est-ce qu'elle se déroule dans l'Assemblée nationale ? Eh bien, l'expérience algérienne montre que non. Parce que les islamistes s'en fichent de l'Assemblée nationale. Eux, ce qu'ils veulent occuper, c'est l'école, les mosquées. Moi, j'habite une ville universitaire. Il y a 20 000 habitants, il y a peut-être 12 000 étudiants et 8 000 professeurs. C'est l'élite du pays. Il y a, en 85, il y avait une petite mosquée dans un coin que personne ne voyait jamais. Elle était toute petite. Il y avait peut-être une personne qui allait prier là-bas une fois par an. Il y a 15 grandes mosquées maintenant. 15 grandes mosquées. Et le vendredi, devant chaque mosquée, il y a 2000, 3000, 4000 voitures. Parce que les islamistes ont une capacité de mobilisation de la société 1000 fois supérieure à celle des démocrates et celle des États. Les lois que peuvent prendre les gouvernements, ils s'en fichent. Parce qu'ils les contournent par la mosquée, ils les contournent dans la rue, ils les contournent, et ils occupent l'espace en bas. Ces choses-là, ils s'en fichent. Et donc, ils ont une capacité à transformer les structures sociales. Parce que la démocratie, c'est d'abord une structure sociale. C'est la ville, le village, la famille, le club, l'association, le parti, c'est ça. Une démocratie fonctionne. Elle a inventé au cours du temps des structures. La seule structure qu'elle a trouvée sur place, c'est la famille. Tout le reste, elle l'a inventé. L'assemblée communale, etc., etc. Et bien, eux, ils ont une façon de construire leur structure sociale, quitte à eux. Quand vous créez un lycée, entre-temps, ils ont créé 30 mosquées. Vous ne pouvez pas lutter contre eux. Je vous parle maintenant de la Bosnie-Herzégovine. J'ai découvert ce pays il y a 7-8 ans, avec des amis, notamment Georges Samprin. La Bosnie sortait de la guerre, on s'est dit, on va créer là-bas un festival international de littérature. Donc on est parti avec 2-3 amis et avec des gens sur place et on a créé ce festival de littérature qui se tient chaque année. La première année nous étions 5 ou 6 personnes, 5 ans après nous étions 150 écrivains, quelque chose d'immense qui fonctionne jusqu'à présent et tout. Mais quand moi je suis arrivé en Bosnie-Herzégovine, c'était un pays détruit par la guerre. Des bâtiments bombardés, des gens malheureux, des gens brisés. Et donc nous, notre idée, c'était qu'on peut reconstruire un pays par la culture, par le débat. Et donc on faisait des rencontres comme celle-ci. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Qu'est-ce que c'est que la guerre ? Voilà, on venait présenter nos livres et tout ça. Dans toutes ces villes détruites, Sarajevo, détruites, il y avait des choses comme ça. Nous, en Algérie, on fait comme ça pour dire que c'est très beau, c'est très net. Voilà, ça brille. C'était les mosquées. Parce que les Saoudiens sont venus. Alors, les Allemands, les Allemands sont très présents, les Français, les Américains, ils viennent, ils négocient, blablabla, il ne se passe rien. Avec les Saoudiens, ils négocient rien du tout et il se fait plein de choses. Eux, ils sont partis donner de l'argent aux mosquées. Donc, ils ont fait venir des entreprises d'Italie, d'ailleurs, pour reconstruire les mosquées. Elles sont formidables. Et dedans, ils ont mis des belles salles comme ça, de l'informatique. Et ils demandaient aux jeunes, personne ne travaillait en Bosnie, à cette époque, personne ne travaillait en Bosnie-Herzégovine, chômage, il n'y a rien qui fonctionne. Et ils donnaient 100 dollars, 100 Deutsch, pas Deutsch Mark, Mark bosniaque, 100 dollars, 100 marques aux jeunes qui viennent à la mosquée pour faire des cours d'informatique. Alors comme les jeunes sont au chômage, eh bien ils viennent à la mosquée, on leur donne des cours d'informatique et on leur donne 100 marques. 100 marques, c'est très important pour eux. Et puis après, quand on les a captés, ils sont passés à l'étape suivante en leur disant « Bon, maintenant on va te donner 200 marques, mais tu t'habilles de manière islamique. » La barbe, le truc. Et les jeunes, comme ils font vivre leur famille avec ça, ben ils le font. Et ils disent aux filles, vous devez mettre le voile. Donc, c'est une folie. Donc, moi, je vous parle d'expérience. Ça fait 15 années que nous vivons une guerre civile. Et nous connaissons toutes les ruses des islamistes. Parce que c'est un... Ils fonctionnent sur la ruse. Et ils utilisent la démocratie mieux que nous. Mieux que nous, le disons, nous. Ils sont très forts. Et donc, ils arrivent toujours à retomber sur leurs pieds et toujours à inventer de nouvelles structures, de nouvelles méthodes. Et nous, nous n'avons pas appris, parce que nous ne savons pas quoi faire avec l'islamisme. Est-ce qu'il faut l'accepter comme une fatalité et dire, bon, pourquoi pas hein. Si ces peuples veulent être gouvernés par l'islamisme, ben pas très bien, il faut les laisser. Si nous voulons, dans... ce que l'on appelle le vivre ensemble, parce que nous tenons quand même à vivre ensemble. Pour beaucoup de gens, c'est important qu'on vive ensemble, qu'on ne reste pas entre nous. On vit. Et si on veut vivre avec les autres, il faut trouver des espaces communs. Vous ne pouvez pas être, vous comporter en européen pur et dur, et moi me comportant en islamique pur et dur, on ne peut pas trouver de... Vous devez donc faire un pas vers moi, et je dois faire un pas vers vous pour trouver des espaces de discussion. Alors, moi je pense que nous, intellectuels, les partis et tout ça, nous devons travailler à cela. C'est construire ces passerelles, parce qu'au jeu du chat et de la souris, ils nous gagneront toujours. Construire des passerelles, parce que... au jeu du chat et de la souris, ils nous gagneront toujours. Mesdames et messieurs, merci pour votre écoute. Au revoir. Oui, c'est tout à fait. C'est pas, ils ont chacun son style. On peut toujours espérer que...